Mademoiselle Marguerite Gauthier. C'est moi, monsieur. À qui ai-je l'honneur de parler? À monsieur Duval. À monsieur Duval? Oui, mademoiselle, au père d'Armand. Armand n'est pas ici, monsieur. Je sais, mademoiselle. Et c'est avec vous que je viens avoir une explication. Oh. Veuillez m'écouter. Mon fils, mademoiselle, se compromet et se ruine pour vous. Vous vous trompez, monsieur. Grâce à Dieu, personne ne parle plus de moi et je n'accepte rien d'Armand. Ce qui veut dire, car votre luxe et vos dépenses sont choses connues, ce qui veut dire que mon fils est assez misérable pour dissiper avec vous ce que vous acceptez des autres. Pardonnez-moi, monsieur, mais je suis femme et je suis chez moi. Deux raisons qui devraient plaider en ma faveur auprès de votre courtoisie. Le ton dont vous me parlez n'est pas celui que je devais attendre d'un homme du monde que j'ai l'honneur de voir pour la première fois. Et je vous prie de permettre que je me retire. Encore plus pour vous que pour moi-même. En vérité, quand on entend ce langage, quand on voit ces façons, on a peine à se dire que ce langage est d'emprunt et que ces façons sont acquises. On m'a fait bien dire que vous étiez une dangereuse personne. Dangereuse? Oui, monsieur, mais pour moi, et non pour les autres. Dangereuse ou non, mademoiselle, il n'en est pas moins vrai que Armand se ruine pour vous. Je vous répète, monsieur, avec tout le respect que je dois au père d'Armand, je vous répète que vous vous trompez. Alors, que signifie cette lettre de mon notaire, qui m'avertit qu'Armand veut vous faire l'abandon d'une rente? Je vous assure, monsieur, que si Armand a fait cela, il l'a fait à mon insu. Mais s'il savait bien que ce qu'il m'est offert, je l'ai refusé. Cependant, vous n'avez pas toujours parlé ainsi. C'est vrai. Mais alors, je n'aimais pas. Et maintenant? Maintenant, j'aime. J'aime avec tout ce qu'une femme peut retrouver de pur dans le fond de son cœur. Voilà les grandes phrases qui commencent. Oui, je sais qu'on croit peu au serment des femmes comme moi, mais par ce que j'ai de plus cher au monde, monsieur. Par mon amour pour Armand, je vous jure que j'ignorais cette donation, je vous le jure. Cependant, mademoiselle, il faut que vous viviez de quelque chose. Vous me forcez à dire ce que j'aurais voulu faire. Depuis que je connais votre fils, pour que mon amour ne ressemble pas... Enfin, s'il avait pris ce nom auprès de moi auparavant, j'ai engagé ou vendu tout ce que je possédais. Et quand tout à l'heure on m'a dit que quelqu'un demandait à me voir... Je croyais recevoir un homme d'affaires auquel je vends le reste de ce luxe que vous me reprochez. Enfin, monsieur, si vous doutez de mes paroles, je ne vous attendais pas. Par conséquent, vous ne pourrez pas croire que cet acte a été préparé pour vous. Si vous doutez, monsieur, lisez cet acte. Vente de votre mobilier à la charge par l'acquéreur de payer vos créanciers et de vous remettre le surplus. Serais-je trompé? Oui, monsieur. Vous vous êtes trompé. Ou plutôt, vous avez été trompé. Oui, j'ai été folle. Oui, je le sais, j'ai un triste passé. Mais depuis que j'aime, pour l'effacer, je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Mais si je suis bonne, j'ai du cœur. Vous verrez quand vous me connaîtrez mieux. C'est Armand qui m'a transformée. Si vous saviez comme il m'a aimée, monsieur. Si vous saviez comme il m'aime... Pardon, madame, je me suis mal présenté tout à l'heure, je ne vous connaissais pas. Je ne pouvais prévoir tout ce que je découvre en vous. J'arrivais irrité du silence de mon fils et de son ingratitude dont vous accusez... Pardon, madame. Voulez-vous vous asseoir? Aussi, est-ce au nom de vos nobles sentiments que je vais vous demander de donner à Armand la plus grande preuve d'amour que vous puissiez lui donner? Taisez-vous! Taisez-vous, vous allez me demander quelque chose de terrible, je le sens. Je ne suis plus irrité. Aussi, est-ce comme un père que je vous parle, comme un père qui vient vous demander le bonheur de ses deux enfants? De ses deux enfants? Oui, oui, de ses deux enfants. J'ai une fille, belle, pure comme un ange. Elle aime un jeune homme? Et elle aussi, elle a fait de cet amour l'espoir de sa vie. Oh. Mais elle a droit, elle, à cet amour. Je vais la marier. Je l'avais écrit à Armand, mais Armand, tout à vous, n'a pas même reçu mes lettres. J'aurais pu mourir sans qu'il le sût. Eh bien, ma fille épouse un honnête homme. Mmh. Elle entre dans une famille honorable qui veut que tout soit honorable dans la mienne. Mmh. La famille de l'homme qui va devenir mon gendre a appris la manière dont vit Armand. Elle m'a déclaré reprendre sa parole si Armand continuait cette vie. L'avenir d'une jeune fille qui ne vous a fait aucun mal peut donc être brisé par vous. Marguerite, au nom de votre amour, Accordez-moi le bonheur de ma fille. Que vous êtes bon, monsieur, de daigner me parler ainsi. Mais je vous comprends. Vous avez raison. Eh bien, je vais quitter Paris. Oui, je m'éloignerai d'Armand pendant quelque temps. Oh, ça me sera très douloureux, mais je veux faire cela pour vous, pour que vous n'ayez rien à me reprocher. Et puis d'ailleurs, la joie du retour fera oublier la tristesse de la séparation. Et vous permettez qu'il m'écrive quelquefois, n'est-ce merci, pas, monsieur Marguerite. Et quand sa sœur sera mariée, merci, alors... Merci, mais c'est autre chose que je vous demande. Autre chose? Que pouvez-vous me demander de plus? Écoutez-moi bien, mon enfant, et faisons franchement ce que nous avons à faire. Une absence momentanée ne suffit pas. Vous voulez que je quitte Armand? Tout à fait. Il le faut. Mais vous ne savez pas comme nous nous aimons. Mais vous ne savez pas que je n'ai personne, ni parents, ni famille, ni amis. Qu'en me pardonnant, il m'a juré d'être tout ça pour moi, et que moi j'ai enfermé ma vie dans la sienne. Et vous ne savez pas que je suis atteinte d'une maladie mortelle, et que je n'ai que quelques années à vivre. Et quitter Armand, monsieur, mais autant me tuer tout de suite. Non, je vous demande un sacrifice énorme, je le sais, mais vous êtes fatalement forcé de me faire. Écoutez-moi, vous connaissez Armand depuis 3 mois et vous l'aimez. Mais un amour si jeune a-t-il le droit de briser tout un avenir? Et c'est tout l'avenir de mon fils que vous brisez en restant avec lui. Êtes-vous sûr de l'éternité de cet amour? Vous êtes-vous pas déjà trompé ainsi? Mais monsieur... Si tout à coup, trop tard, vous alliez vous apercevoir que vous n'aimez pas mon fils, si vous alliez en aimer un autre... Mais jamais, et jamais je n'ai aimé, je n'aimerai. Soit. Comme je l'aime. Soit, mais si ce n'est vous qui vous trompez, c'est lui qui se trompe peut-être. À son âge, le cœur peut-il prendre un engagement définitif? Oh. Vous et mon fils avez à suivre deux routes complètement opposées que le hasard a réunies un instant, mais que la raison sépare à tout jamais. Vous avez été heureuse 3 mois. Ne tâchez pas ce bonheur dont la continuité est impossible. Gardez-en le souvenir dans votre cœur. Il vous rend forte. C'est tout ce que vous avez le droit de lui demander. Ainsi, quoi qu'elle fasse, la créature tombée ne se relèvera jamais. Dieu lui pardonnera peut-être, mais le monde restera inflexible. D'ailleurs, monsieur, tout ce que vous me dites aujourd'hui, je me le suis déjà dit bien des fois, avec terreur. Mais comme j'étais seule à me le dire, je parvenais à ne pas m'entendre jusqu'au bout. Vous me le répétez, c'est donc bien vrai. Il faut obéir. Eh bien, monsieur, vous direz un jour à cette belle et pure jeune fille, car c'est à elle que je veux s'atteindre mon bonheur, vous lui direz qu'il y avait quelque part une femme qui n'avait plus qu'un rêve, plus qu'une espérance en ce monde, et qu'à l'invocation de son nom, cette femme a renoncé à tout cela, a broyé son cœur entre ses mains, et en est morte. Car j'en mourrai. Voyons, monsieur, vous demandez que je me sépare de votre fils, pour son repos, pour son bonheur, pour son avenir. Que faut-il faire? Ordonner, je suis prête. Il faut lui dire que vous ne l'aimez plus. Il ne me croira pas. Il faut partir. Il me suivra. Alors? Oh, je sais. Je sais ce qu'il faut faire. Voyons, monsieur, croyez-vous que j'aime Armand? Croyez-vous que je l'aime d'un amour désintéressé? Oui, Marguerite. Croyez-vous que j'avais fait de cet amour la joie et le pardon de mon existence? Je le crois. Alors, monsieur, embrassez-moi une fois comme vous embrasseriez votre fille. Et je vous jure que ce baiser, le seul vraiment pur que j'ai reçu, me fera triompher de mon amour. Je vous jure qu'avant 8 jours, votre fils vous sera rendu. Malheureux pour quelque temps, peut-être. Oh, mais guéri. Pour jamais. te jure qu'il ignorera toujours ce qui vient de se passer entre nous. Vous êtes une noble fille, Marguerite, mais je crains bien... Ne craignez rien, monsieur. Il me haïra. Nanine, va dire à Prudence de venir ici. Va. Monsieur, j'ai encore une dernière grâce à vous demander. Parlez, madame, parlez. Dans quelques heures, Armand va avoir une très grande douleur. Il aura besoin d'un cœur qu'il aime. Soyez là, monsieur. Trouvez-vous auprès de lui. Mais qu'allez-vous faire? Oh, si je vous le disais, ce serait votre devoir de me le défendre. Alors que puis-je pour vous? En échange de ce que je vais vous devoir. Vous pourrez, quand je serai morte et qu'Armand maudira ma mémoire, vous pourrez lui dire que je l'aimais bien et que je l'ai bien prouvé. Non? Adieu, monsieur. Adieu, monsieur.